Bienvenue à Porto. Admirez l'architecture subtile de ses bureaux climatisés, le charme discret de ses couloirs en moquette et vibrez au rythme endiablé de ses rendez-vous clients. Porto, bientôt. En voyage d'affaires, découvrez plus que des bureaux. Partez à Porto et plus de 80 destinations à partir de 30 euros. Transavia. Partez, volez, souriez. Prix TTC au tarif basique, voire conditions sur le site. Deuxième temps d'une série de la Fabrique de l'Histoire consacrée aux heurts et malheurs des héros, aujourd'hui le documentaire. Après avoir écouté hier lundi l'émission consacrée à la question du héros avec le romancier Fabrice Imbert, auteur de Comment vivre en héros, mais aussi les analystes de l'enseignement de l'histoire en France qui étaient Géraldine Bozek et Françoise Lantot, mais avant demain de nous intéresser à la façon dont les pays africains ont raconté les héros des indépendances, aujourd'hui nous allons nous arrêter sur une figure un peu oubliée, pourtant disparue il y a presque un siècle, c'était le 11 septembre 1917 à 23 ans ou presque, Georges Guynemer, héros de l'aviation française, tombé en plein ciel de gloire, disparaissait après 53 victoires homologuées qui faisaient de lui un as de l'aviation française. Comment l'armée française a-t-elle inventé ce personnage de Georges Guynemer et hissé ce personnage en héros de la Première Guerre mondiale? Mais aussi comment les différentes périodes entre 1917 et aujourd'hui ont-elles vécu ce personnage? C'est ce que raconte ce documentaire signé Victor Massé de l'Épée et réalisé par Anne Fleury avec les témoignages de Jean-Marc Bidneau, Frédéric Lafarge, Éric Mailleux et Laurent Rabier. Au Guynemer, petit oiseau de France, qui te joie de l'aigle envahisseur, ton incroyable et féerique existence devait finir comme un conte enchanteur. Tu nous quittas, la légende en atteste, ainsi qu'un dieu dans un embrasement, et te fixa en la voûte céleste, telle une étoile au sein du firmament. En fait, il s'est envolé pour la dernière fois le 11 septembre 1917. À cette époque-là, les cigognes sont dans les Flandres. Et il part comme ça en maraude avec un équipier qui s'appelle Jean Bozon-Verdurin au-dessus de la forêt de Haute-Hulst, parce qu'on sait que les avions allemands croisent régulièrement dans cette région. Bon, les circonstances du combat sont connues, hein. Chacun va s'occuper de son avion ou de son groupe d'avions. Et puis finalement, Bozon-Verdurin, lorsqu'il a fini son travail, se met à chercher son équipier, qui est donc Guynemer, qui l'a vu partir à l'attaque. Et puis, il n'y a pas de Guynemer. Georges Guynemer, l'héroïsme à ciel ouvert. Victor Massé de l'Épinay, Anne Fleury. Donc il va revenir à l'escadrille. Et il va se faire tancer parce que c'est l'équipier de Guynemer, l'as des as français, et il a laissé en quelque sorte son chef sans surveillance. Alors, ça ne veut pas dire forcément inquiétude extraordinaire, hein, parce qu'encore une fois, Guynemer a pu avoir des problèmes techniques et s'être posé sur un terrain français, sur un autre terrain, ou sur un terrain tenu par les Belges, par exemple. Et effectivement, assez vite, il va falloir se rendre à l'évidence que Guynemer ne reviendra pas au terrain. Il est porté disparu. On va faire des recherches partout. On va envoyer des officiers sur différents points du front, des officiers anglais, des officiers français, pour savoir ce qui est devenu. Personne n'en saura rien. Dans un premier temps, on va entourer la disparition de Guynemer d'un certain secret. Et par exemple, on demandera à la famille Guynemer de ne pas ébruiter cette information. Parce que Guynemer, c'est un symbole. Il faut attendre une dizaine de jours pour que les Allemands envoient un message lesté dans les lignes françaises en disant: le capitaine Guynemer a été abattu. Il a été abattu au-dessus d'un village qui s'appelle Poulkapel, dans les Flandres. On ne sait pas ce qu'est devenu son avion et on ne sait pas ce qui est devenu son corps. Guynemer n'est pas rentré. La nouvelle courut, vola d'une escadrille à l'autre, de l'aviation aux troupes, de la zone de l'avant à celle de l'arrière. Et ce fut dans toute l'armée, dans toute la France, une traînée de douleur comme si, parmi tant de soldats exposés à la mort, celui-là dut seul être immortel. Sa mort, d'ailleurs, lorsqu'elle est annoncée, provoque un véritable drame national. Toute la presse française titre sur la mort de Guynemer. Le Petit Parisien consacre la moitié de sa première page à la disparition du pilote. Ce jeune capitaine, d'où vient donc qu'il est seul, comme un chef d'armée, le pouvoir de laisser après lui une tristesse collective? Un enfant de France va nous le dire. Henri Bordeaux, La vie héroïque de Georges Guynemer, 1918. Voici le devoir du petit franc-comtois Paul Bailly, 11 ans et 10 mois. Guynemer est le Roland de notre époque. Comme Roland, il était très vaillant. Et comme Roland, il est mort pour la France. Mais ses exploits ne sont pas une légende comme ceux de Roland. En les racontant exactement, c'est plus beau que ce qu'on pourrait inventer. Pour le glorifier, on va écrire au Panthéon, parmi les autres grands noms, le sien. On a mis son avion aux Invalides. Dans notre école, on lui a consacré une journée. À la leçon de morale, on a appris par cœur sa dernière citation. En exercice d'écriture, on a tracé son nom. En rédaction, on a eu à parler de lui. Enfin, on a dessiné un avion. Roland a été l'exemple des chevaliers d'autrefois. Guynemer devra être l'exemple des Français de maintenant. Et tous tâcheront de l'imiter et se souviendront de lui, comme on s'est souvenu de Roland. Moi surtout, je n'oublierai jamais. Je garderai le souvenir qu'il est mort pour la France, comme mon cher papa. Une image d'abord. Celle d'un tableau conservé au musée de l'armée, aux Invalides, signé Henri-Achille Zo. Une immense allégorie de la victoire occupe tout l'arrière-plan. Elle a des ailes, tient dans une main un glaive et dans l'autre une branche de laurier dont sa tête est également couronnée. Ses épaules sont larges, ses bras musclés, une cuirasse métallique recouvre son ventre et ses seins proéminents. Ses yeux sont clos. Devant elle, au premier plan, un autre personnage. Celui-là n'est pas allégorique. C'est un jeune homme, élancé, presque maigre, dont l'allure contraste avec cette victoire qui le surplombe. Il nous fait face et semble nous fixer d'un regard noir, cerné, qui paraît à la fois timide et résolu. Ce jeune homme a le teint pâle, une fine moustache orne sa lèvre supérieure. Il porte un képi. On reconnaît sur sa vareuse noire sanglée de cuir les insignes de l'aéronautique militaire française, ainsi que la croix de guerre, la médaille militaire et la Légion d'honneur. Ce jeune homme, c'est Georges Guynemer. Et en 1918, quand Henri-Achille Zo peint ce tableau, toute la France le reconnaît au premier coup d'œil. Car Guynemer est un as, une icône, un héros national. La plupart des héros sont comme de certains tableaux, écrit La Rochefoucauld. Pour les estimer, il ne faut pas les regarder de trop près. Essayons donc d'éprouver cette maxime. Non pas avec le tableau d'Henri-Achille Zo, qui de près ou de loin n'est pas un chef-d'œuvre, mais avec ce personnage, ce héros, Georges Guynemer. Que découvre-t-on en le regardant de près? Des aspérités? Des hésitations? Des traces de construction? Est-ce que le scruter de près empêche d'estimer le héros? Il s'agit en tout cas de faire œuvre d'historien, et avec les héros, cela n'est pas facile, comme l'écrit dès 1938 le journaliste et ami de Guynemer, Jacques Mortane. Nombre d'erreurs ont été publiées à l'occasion du 20e anniversaire de sa mort. L'histoire est-elle donc si difficile à écrire? En ce qui concerne le grand héros français, il est permis de se demander ce qui subsistera plus tard et si seule la vérité finira par s'imposer. Son entrée dans l'armée est toujours restée un peu mystérieuse. Les interprétations les plus diverses ont été données. L'honneur d'avoir découvert l'as et facilité la réalisation de son rêve étant attribué tour à tour à tant d'officiers et de docteurs. Georges Guynemer est un être légendaire, certes, mais est-ce une raison pour prendre tant de liberté avec la réalité? Oui, c'est Jacques Mortane a bien connu Guynemer. Hein. Jacques Mortane, c'est un journaliste qui s'est Frédéric Lafarge énormément intéressé à l'aviation pendant la Première Guerre mondiale. Mais je suis assez d'accord avec lui. Hein. S'attaquer à l'histoire des gens très célèbres et des demi-dieux, c'est très très compliqué parce que vous naviguez sans fin entre ces deux extrêmes. D'un côté, des gens qui sont au-dessus de la norme, qui en sont presque intouchables, et malgré tout, cela reste des hommes, et donc on devrait pouvoir les analyser et en parler et le faire de manière objective, et parfois c'est difficile. Maintenant, effectivement, on a des biographies qui ont été écrites à différentes périodes. On peut en citer trois essentiellement. La plus ancienne, c'est celle qui a été écrite par Henri Bordeaux. Hein, donc, lorsqu'il l'écrit, il n'est pas encore membre de l'Académie française, mais ça va venir très très vite. Alors cette biographie, quand on la lit en 2017, évidemment, elle est hagiographique. Hein. On est dans la guerre, et donc évidemment, elle n'est pas d'une objectivité extraordinaire. Ceci dit, Henri Bordeaux écrit à la demande de la famille Guynemer. Et la famille Guynemer va mettre à la disposition d'Henri Bordeaux tout le fonds d'archives familiales. Donc, ça n'est pas du vent, c'est simplement écrit dans l'esprit de l'époque. La deuxième biographie sérieuse écrite sur le thème de Georges Guynemer, c'est celle de Jules Roy. Et évidemment, on n'écrit plus une biographie en 1986 sur ce demi-dieu Guynemer comme on pouvait l'écrire au début de l'année 1918. Donc on écrit en s'intéressant à d'autres thématiques. Et ça lui a d'ailleurs été reproché, puisque moi j'ai eu l'occasion de consulter des archives et des copies de lettres qui avaient été adressées à Jules Roy par quelques personnalités de l'armée de l'air, interpellées par le fait qu'on parle de certains aspects de sa vie, alors des aspects qui aujourd'hui ne nous choqueraient plus, mais par exemple c'est Jules Leroy qui évoque la liaison que Guynemer avait eue avec Yvonne Printemps. Alors bon, voilà, on est en 2017, il n'y a rien de bien extraordinaire, mais voilà. Donc le temps avait passé, on abordait d'autres aspects, et là, aujourd'hui, donc dans le cadre du centenaire de la mort de cet aviateur, eh bien une nouvelle biographie est parue, alors elle tout à fait dans les clous, avec consultation d'archives, écrite par Jean-Marc Binot, et qui est un vrai travail d'histoire. Et alors vous-même, qu'est-ce que vous recherchiez, Jean-Marc Binot, en vous lançant dans cette investigation ? Il y a deux choses qui m'ont fasciné dans le personnage. Le premier, c'est le caractère, on va dire, comète de sa carrière. Parce que ce fils de bonne famille, jusqu'en février 1916, personne, à part ses camarades d'escadrille, ne le connaît. À la fin de l'année 1916, c'est une vedette internationale. En quelques semaines, il devient une icône. On parle de lui dans la presse américaine, dans la presse brésilienne, au Japon, en France, en Angleterre, en Allemagne, etc. Et la deuxième chose qui m'a fasciné, c'est la disparition de ce statut à partir des années 70. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous interrogez les gens dans la rue, Guynemer, personne ne connaît plus, sauf les gens qui habitent rue Guynemer ou qui ont fait leurs études dans un lycée Guynemer. Et alors, comment est-ce que vous expliquez ça ? Il y a plusieurs facteurs qui expliquent sa disparition. D'abord, le fait qu'il y a eu un changement de l'enseignement de l'histoire à l'école. Parce que dans les années 60, on continue d'enseigner l'histoire de France à travers des grands personnages. J'ai cité Jeanne d'Arc, il y aura Louis XI, du Guesclin, Napoléon, Charlemagne, etc. Et Guynemer, étrangement, incarne le combattant de la guerre 14-18. Je dis étrangement parce qu'il est très loin du stéréotype du poilu crotté avec le casque Adrien qui est dans la boue. Et pour le poilu crotté, il y a le soldat inconnu. Le soldat inconnu, mais est-ce que vous connaissez le nom d'un combattant français qui soit de grade subalterne, donc je ne parle pas de généraux comme Joffre ou Foch, à part Guynemer. Je vous pose la question. Donc ça, c'est le premier point, c'est-à-dire que changement de façon d'enseigner, Guynemer va disparaître des manuels, des discours des enseignants, donc on ne transmet plus sa mémoire aux élèves. Et le deuxième point, c'est qu'il a tellement été, magnifié par les livres, les articles, etc., qu'on en a fait un héros éthéré, inaccessible, inatteignable, dont le modèle ne pouvait pas être dupliqué. Et si vous voulez, vous avez une fracture à partir des années 60-70, parce que les générations qui n'ont pas connu la guerre vont se retourner vers d'autres héros, d'autres types de héros. Les héros du cinéma, enfin, de la musique, de la littérature, etc. Mais le héros militaire a perdu sa superbe. Et à partir des années 70, Il n'y a guère plus que les cercles aéronautiques et les passionnés d'histoire militaire qui connaissent un petit peu le nom de Guynemer, en tout cas sa carrière. Il faudrait revenir aussi sur cet esprit de l'époque et sur l'éducation qu'a reçue Guynemer. Vous savez, par la maman, on appartient à une grande famille de la noblesse. Par le papa, c'est la bourgeoisie. Je crois que le grand-père de Guynemer a été sous-préfet à Saverne. Enfin, je ne vais pas vous faire de dessin. Vous voyez bien à peu près le type d'éducation que le jeune Guynemer a reçu pendant toute son enfance, avec un père qui a été militaire, qui a fait l'école de Saint-Cyr. Bon, voilà, c'est l'éducation revancharde de l'époque. Et donc, quand la guerre arrive, je pense qu'on ne se pose pas tellement de questions dans la famille Guynemer. Hein. Voilà, il y a deux filles, un fils. Ce fils, alors, est un peu souffreteux, pas forcément l'image du guerrier accompli, mais il n'empêche que malgré tout, eh bien, il va vouloir faire son devoir. Il a un premier choc, parce qu'il est une constitution assez fragile. Il est 1m73, il pèse une cinquantaine de kilos, donc il est très longiligne. Et en fait, il sort un petit peu du canon. La taille moyenne d'un conscrit en France, avant la Grande Guerre, c'est 1m66. Et du coup, quand il passe le conseil de révision, qui est à l'époque un rite initiatique, hein, c'est-à-dire qu'on rentre, pour la République, on rentre dans l'âge adulte, eh bien, on va l'ajourner, c'est-à-dire qu'on considère qu'il n'est pas apte à porter les armes, et on lui dit, en mars 14, bah, vous attendrez l'année prochaine, vous reviendrez nous voir, on verra si vous serez remplumé. Et ça, c'est un choc parce qu'en fait, aussi bien du côté paternel que maternel, il vit dans un environnement où il peut voir comme ça tous les vestiges, les souvenirs du passé. On rappelle sans arrêt les faits d'armes glorieux de ses aïeux. Et alors, comment est-ce que finalement il en vient à entrer dans l'aviation ? Parce que comme son père est un ancien officier de carrière, qu'il a fait Saint-Cyr, plusieurs de ses camarades sont devenus généraux. Il va obtenir comme ça un passe-droit, non pas pour ne pas faire l'armée, mais pour y entrer. C'est paradoxal. Ma chère bonne maman, je ne sais pas comment vous remercier des gants que vous m'avez envoyés. Ils sont vraiment magnifiques. Et pour avoir froid avec, il faudrait y mettre de la bonne volonté. Je vous suis d'autant plus reconnaissant de me les avoir envoyés que mon apprentissage va très vite. Et qu'ayant presque fini le blériot, je vais passer bientôt au caudron dans lequel le vent est très violent. J'ai passé mon brevet il y a 4 jours. Décidément, j'avais la vocation. Des remous dont le quart de la moitié me donne le mal de mer lorsque je suis passager ne me font absolument rien quand je pilote. En somme, jusqu'ici, tout va très bien. Le temps a l'air d'avoir pitié de nous et de se mettre très sérieusement au beau. Les tranchées vont peut-être se dessécher un peu et les opérations seront rendues un peu moins pénibles et cela ne peut que hâter l'expulsion de ces misérables sauvages. Je crois que ce jour béni que nous attendons tous avec tant d'impatience viendra bientôt et je souhaite ardemment de pouvoir y participer. Georges Guynemer, 16 mars 1915. Enfin, les aviateurs des années 10-20, c'est les cosmonautes de notre époque. Donc c'est un attrait énorme, c'est la modernité, c'est devenir un oiseau, c'est tout ce que l'homme a rêvé d'être. Éric Mailleux, est-ce qu'il y a déjà des grandes figures qui sont connues et auxquelles on identifie l'aviation ? Alors oui, vous avez Pégou, c'est un des premiers qui a expérimenté le parachute. Et puis il est surtout connu pour avoir été le premier à faire un looping. Puis après, parmi d'autres figures, ben, vous avez bien sûr Blériot, qui a traversé la Manche en 1909. Jules Védrine, qui a participé lui aussi à des courses... des circuits, donc c'est des choses qui sont suivies par les journaux. C'est surtout la presse qui popularise certains aviateurs célèbres. Mais au début de la guerre, l'aviation n'a pas encore convaincu la majorité des militaires. Vous avez certains pour qui c'est du sport, c'est de l'acrobatie, à la limite c'est du cirque. On est au balbutiement de l'aviation. Les avions existent de manière sérieuse, on va dire, depuis 1908-1909. En 1914, lorsque la guerre éclate, l'aviation de chasse n'existe pas. La seule mission qu'on reconnaît aux avions, c'est des missions d'observation. On décolle, on survole, on regarde et on ramène de l'information. Accessoirement, on peut régler les tirs d'artillerie. On peut regarder comment les canons tirent et on peut expliquer qu'il faut tirer plus à gauche, plus à droite, un peu plus en haut. Expliquer de manière difficile puisqu'il n'y a pas de radio. Hein. Il faut écrire un mot, écrire ça sur un bout de papier, mettre ça dans... autour d'une pierre, je ne me souviens plus exactement du mode opératoire, et puis lâcher ça près de la batterie française en expliquant, voilà, donc ça reste empirique, mais effectivement. Et puis petit à petit, on va développer les missions. Mais en 14, la chasse n'existe pas. Au début de la guerre, on peut compter sur à peu près 138 avions, si ma mémoire est bonne, répartis sur une dizaine d'escadrilles. Dans les escadrilles, on expérimente... le bombardement, on embarque à bord des avions des obus qui sont réformés et on les balance sur l'ennemi. Et la chasse, elle, par contre, vient un peu plus tard. C'est Franz et Queneau, en octobre 14, qui, les premiers, arrivent à détruire un adversaire en l'abattant grâce à leur mitrailleuse. Les choses se sont faites de manière empirique quand, et c'est notamment les Français d'ailleurs hein, qui ont développé ça, se sont mis à tenter de tirer sur des avions allemands quand ils passaient pas trop loin, des avions français. Ça a d'ailleurs valu des rappels à l'ordre hein, des autorités allemandes qui, dans des messages bien connus, s'étonnent fortement de ces initiatives françaises. Plusieurs aviateurs allemands ont reçu des coups de fusil. Bon, voilà, dans un premier temps, c'est inimaginable parce que ça se faisait pas. Où est-ce que vous nous emmenez, Laurent Rabier ? Alors, je vous emmène dans la partie sud de l'aérogare du 1937, qui est en travaux. Cette zone nous a été accordée pour mettre nos collections à l'abri. Donc, vous pouvez voir des avions sous diverses formes, emballés dans un matériau de conservation qui s'appelle le Tyvek. Et qui nous permet de les protéger à la fois de l'empoussièrement, mais aussi en partie de la forte luminosité qui règne ici. Vous êtes vous-même responsable de la collection d'aéronefs du musée de l'air et de l'espace, ici au Bourget. Et donc, vous allez nous montrer l'avion de Guynemer, ici. Voilà, je vais vous montrer le SPAD 7 de Guynemer. Quand on dit le SPAD 7 de Guynemer, on veut dire, en fait, le dernier des SPAD connus pour avoir été utilisé par Guynemer, qui est survécu. Hein, Guynemer a eu beaucoup de SPAD 7 et de SPAD 13, il y a eu beaucoup de Nieuport aussi avant, etc., etc. Il a donc utilisé beaucoup d'avions, et en général, on ne retrouve pas l'avion d'un grand pilote, parce que ces avions sont des objets consommables, qui sont destinés à être détruits extrêmement rapidement, soit du fait des combats, endommagés tellement qu'on les réforme, soit du fait d'un accident qui peut toujours survenir, en se posant, par exemple, ce qui a été le cas de Guynemer à plusieurs reprises. Donc tout ça explique qu'il y a très très peu d'avions. 9 décembre 1915, lettre d'Albert Delain, de l'escadrille N3. Hier matin, sur Nieuport Monoplace, le petit Guynemer a descendu son troisième Bosch, son deuxième de la semaine. Les deux types ont été vidés de 3000 mètres. Quelle gamelle ! Franck, un de nos observateurs qui fait un stage dans une batterie et qui suivait le combat à la lorgnette, a failli en recevoir un sur la tête. Bref, c'est la grande joie. Le père Brocard jubile. Son escadrille arrive seconde sur le palmarès avec 5 Bosch contre 7 à la N12. Encore un peu de veine et on tiendra le record. Donc voilà le SPAD sous l'étoile. Cet avion est encore fuselé, un fuselage de bois, avec quelques éléments métalliques de type capotage, autour du moteur et du cockpit. Un petit pare-brise, très enveloppant, un appui-tête profilé, et il faut imaginer juste la tête du pilote, entre le pare-brise, qu'il a brisé, et l'appui-tête, extrêmement engoncé, les épaules très largement en dessous du capotage qui remonte sur les côtés, dans une position où il est très difficile de voir ce qui se passe. L'aile supérieure est posée sur les montants, les petits mâts que l'on voit, qui s'appellent les mâts de cabane. Donc elle est très basse. Et en réalité, elle revient très en arrière. Donc on ne voit rien au-dessus quand on regarde vers l'avant. On ne voit pas grand-chose en dessous non plus, parce que l'aile inférieure est quand même très très près. Elle se situe au niveau du plancher. Et finalement, on ne voit pas grand-chose. C'est-à-dire que si on perd son ennemi de vue et qu'il part en haut ou en bas, on ne le voit plus. Il faut faire des tours. Il faut le chercher, même son équipier. c'est-à-dire ou son chef de patrouille. C'est-à-dire qu'il y a des récits comme ça de pilotes un peu inexpérimentés se perdant, enfin perdant la patrouille. Alors après, avec l'expérience, qui arrive très vite, hein, c'est ou la mort ou l'expérience. Hein. Et avec l'expérience, on arrive à se positionner de telle manière à ce qu'on ne perde jamais de vue la formation et que l'on garde l'ennemi en vue, bien entendu. Tout de même, si jamais je suis dans une épouvantable purée et que je doive me faire cocher de fiacre, j'aurai des souvenirs peu banals. Un pneu crevé à 3400 mètres, un accrochage à 3000 mètres. Ce sale boche n'a dû la vie qu'un ressort légèrement faussé, comme l'a révélé l'autopsie de la mitrailleuse. Pour mon 8e combat, c'est vexant. Georges Guinemer, 2 novembre 1915. Là, on voit bien que la mitrailleuse de ce SPAD 7 est juste devant le pare-brise de l'avion. Il peut vraiment viser comme avec un fusil, si l'on veut. C'est-à-dire qu'il n'a pas de problème de visée, en réalité. Et L'hélice passe devant la mitrailleuse. C'est ça. Les pales ne sont pas touchées par les munitions parce qu'il y a une sorte de synchronisation. Le pilote appuie sur la détente et l'arme s'arrête dès lors qu'une pale est sur le point de passer devant le canon de l'arme. Dans un avion, habituellement, il y a ce qu'on appelle une cloison pare-feu, c'est-à-dire quelque chose, c'est une paroi qui sépare la zone moteur de la zone du cockpit. Et donc le pilote est envahi de vapeur chaude, de relents d'huile, et il fait extrêmement chaud dans le cockpit, mais à haute altitude, son visage peut être gelé. C'est des conditions particulièrement... C'est brut et brutal. Et alors, pour finir la description de cet avion, on peut évoquer donc cette grande hélice à deux pales en bois, elle aussi, et ce train d'atterrissage avec des grandes roues qui font 50 cm, voire plus, presque 80 cm de diamètre. Des roues qui adoptent le système de la roue à rayon, et puis des pneus en caoutchouc qui ont une chambre à air et qu'on gonfle, donc finalement pas si loin d'un pneu de vélo, un peu plus gros simplement. Et à l'arrière du fuselage, il y avait une autre petite roue qui... Non, il y a une béquille, parce que ces avions n'ont pas de frein. Les terrains sont en herbe ou en boue, ça dépend des jours et de la météo, et la béquille sert à freiner tout simplement. Donc on se pose sur les deux roues avant, et quand l'arrière touche, ça fait comme un socle de charrue. Le SPAD fait partie de ces avions qui restent pilotables jusqu'à un certain moment, et à un certain moment, au roulage rapide, ils ne sont plus pilotables. Tout d'un coup, ils font ce qu'ils veulent. Donc la béquille est très très utile pour freiner ce mouvement, notamment, et c'est vrai de tous ces avions-là. La science du combat aérien est embryonnaire. Donc quand un chasseur rentre à l'escadrille, ses camarades s'empressent de venir le voir en disant « raconte-nous comment ça s'est passé ». Et en fait, ils apprennent de la sorte. Guinemer, son style, c'est plutôt le fauconnage, c'est-à-dire qu'il se place en haute altitude et dès qu'il voit une proie, selon le terme qu'il emploie, il pique très vite, il tire, et s'il le rate, il passe sous sa queue dans l'angle mort et il essaye de l'abattre à très courte distance, de 15 à 20 mètres. Il s'accroche à sa victime. C'est-à-dire que tant la première passe rate, il revient, il recommence, il revient, il recommence, etc. Et surtout, c'est pas un adepte des acrobaties, de la voltige. Tout le monde lui demande, mais vous êtes un as, quelle est votre méthode? Il dit, je fonce. Il dit, c'est un journaliste du Figaro. C'est quoi votre méthode? Je fonce. Un ministre, il dit, la meilleure façon de tuer du Bosch, c'est pas d'évoluer dans les airs, c'est de tirer sur lui à toute vitesse et le plus rapidement possible. Ça, c'est un aspect qui n'est pas très mis en avant. Quoi. Et c'est vrai qu'après, c'est le cinéma, la propagande, les romans, tout ça, ça a plus mis en valeur des combats tournoyants, voltigeants. Mais dans les faits, il n'y en a pas tant que ça arrive, mais c'est assez peu fréquent. D'ailleurs, c'est, je crois, Jean Morvan qui fait un témoignage dans lequel il dit que... Je vais essayer de vous retrouver ça. Voilà, donc Jean Morvan, c'est un pilote de chasse de l'escadrille SPA 63. Et en fait, il dit un combat aérien procède plus d'un guet-apens que d'un duel. Un combat aérien procède plus d'un guet-apens que d'un duel. On descend rarement un adversaire qui cabriole. On assassine le promeneur qui rêvasse par derrière, sans qu'il s'en doute. De près, si possible. Mais si le tir rapproché est plus efficace, il ne permet pas toujours au tireur solitaire d'avoir la preuve du résultat recherché. Ça, c'est une, en fait, c'est une allusion à l'homologation des victoires, puisque le fait d'abattre un adversaire ne garantit pas qu'on aura une victoire homologuée. Donc, dans l'armée française, pour qu'une victoire soit accordée, déjà, il faut que l'avion soit tombé en territoire français. Il faut des témoins autres que des aviateurs, donc des témoins au sol, qui puissent confirmer que c'est bien l'aviateur qui revendique la victoire, qui est l'auteur de cette victoire. Alors on a souvent coutume de dire que René Fonck, l'as des as allié, avait remporté 75 victoires officielles. Dans les faits, il pouvait en revendiquer quasiment le double. Guynemer, c'est pareil, il a 53 victoires attribuées, mais on peut facilement dénombrer une trentaine d'avions qui n'y ont pas été comptabilisés. Il y a des aviateurs qui sont plus attachés à l'homologation des victoires. Guynemer fait tout pour qu'on lui reconnaisse une victoire qu'il estime acquise. Après, vous avez des gens comme, des as comme Jean Navarre, la sentinelle de Verdun, qui lui, au contraire, même s'il revendique certaines victoires, il passe pour avoir donné des victoires à des coéquipiers. Donc il n'est pas aussi obsédé par l'idée d'accumuler des victoires et de faire des records. 13 décembre 1915. Le premier Fokker, cerné, ayant un passager tué, a piqué au sol sans me voir. Résultat, 5 balles à bout portant et quick. Chute vue par 4 autres appareils. 3 et 1 font 4 et ça va peut-être m'amener la croix. Par exemple, Guynemer faisait, il atterrissait près de ses victimes et récupérait un insigne, un document qu'il trouvait sur le pilote pour prouver qu'il avait bien descendu l'avion. Si les chasseurs comme ça sont obsédés par le fait d'obtenir de plus en plus de victoires, c'est parce qu'il y a une sorte de compétition à l'époque, pendant la Grande Guerre, à la fois au sein des escadrilles, entre escadrilles françaises, et puis en plus il y a une rivalité évidemment avec les autres as allemands et puis aussi avec les as alliés. Et régulièrement, d'ailleurs, la presse, on peut lire ça dans tous les titres, la presse publie la liste comme un championnat de sport, de football, de rugby, le classement de tous les as avec les progressions et fait des comparaisons entre les différents résultats. Pour être un as de guerre, il faut avoir 5 victoires homologuées à son palmarès. Et si vous êtes le premier au classement des as, vous êtes l'as des as. Donc il se trouve que Guynemer est l'un des premiers à accéder à ce rang d'as de l'aviation. Donc voilà pourquoi on va le mettre en avant. Alors c'est une volonté de l'armée. Dans un premier temps, ça se fait de manière un peu confidentielle parce qu'il y a un risque aussi à donner le nom des aviateurs. Hein. Donc quand on a l'honneur du communiqué des armées, hein, dans un premier temps, Guynemer, son nom n'est pas noté. Hein. On ne donne que la première lettre de son prénom. C'est par la suite, avec l'accumulation des victoires, qu'on va franchir ce seuil psychologique et que le nom de Guynemer va commencer à être connu. Il est le premier pilote français à être cité au communiqué officiel du Grand Quartier Général, qui est diffusé à toute la presse. Du coup, son nom, comme ça, entre dans tous les foyers parce que la presse française et internationale fait des papiers, des articles, des reportages sur Guynemer, même sa famille, tout le monde est interrogé sur ce fameux Guynemer. Pourquoi ? Il faut contextualiser. En février 1916, la France a vraiment besoin d'un héros capable d'incarner le combat. Le pays commence déjà à être très fatigué. On est à 550 jours de guerre, 650 000 morts. On n'a jamais prévu que la guerre durait aussi longtemps. Il faut se remettre aussi à l'été 14, on dit que ça va durer 2-3 mois, Noël, on sera rentré à la maison, Berlin sera pris. Donc le pays n'a pas été préparé à une telle durée de la guerre. Donc il faut redonner du souffle, redonner du dynamisme à la guerre. Et on a besoin d'un jeune héros. Et on va choisir un aviateur, parce qu'encore une fois, c'est une arme moderne qui fait rêver les gens. Et en plus, c'est une arme individuelle. C'est pas comme le pauvre poilu qui est dans son trou d'obus et qui va être pulvérisé par un impact de projectile de façon anonyme. Donc il est capable de personnifier, on va dire, le combat. Puis vous ajoutez à ça le fait que l'aviation va pousser Guynemer vers le Védotaria parce que c'est un corps très jeune qui a besoin de reconnaissance auprès du pouvoir politique. On a choisi Guynemer. Vous allez me dire pourquoi lui plutôt qu'un autre? Eh bien, c'est simple. C'est qu'en en fait, les vedettes aéronautiques d'avant-guerre ne sont plus disponibles. Les plus célèbres, c'est Célestin Pégou, qui a été abattu, donc on ne peut plus compter sur lui. Et le plus fameux d'entre eux, que tout le monde connaît encore au moins de nom, à cause d'un célèbre tournoi de tennis, c'est Roland Garros. Et Roland Garros, en fait, il a été abattu et capturé, et donc il est dans une prison allemande. Il y a d'autres candidats que l'armée aurait pu choisir. Vous avez Charles Nungesser, qui est un vrai casse-cou. Alors lui, c'est le héros dans toute sa splendeur. C'est un ancien hussard, capable de tous les exploits. Mais lui aussi a été abattu, et il est en état pitoyable. Il a été opéré, il a plusieurs fractures, donc il est indisponible. Et puis vous avez un troisième pilote, Jean Navarre. Mais lui, l'armée ne va pas le choisir, parce que c'est considéré comme un mauvais sujet. Un peu indiscipliné, il n'aime pas trop la hiérarchie, il fait ce qu'il veut, donc l'armée a un peu peur de ses réactions. Et puis Guynemer, c'est une ascendance noble, enfin, de la bonne société, il a une bonne éducation, il a préparé Polytechnique quand il était à Stanislas, il a fréquenté les beaux établissements des quartiers chics, il sait s'exprimer, il donne une bonne image du pays et des soldats français. La guerre aérienne illustrée. Numéro 1. 16 novembre 1916, Jacques Mortane. La guerre aura révélé un type nouveau de soldat, l'aviateur. L'aviateur est un soldat à part. Il est plus indépendant que le poilu. Il est soumis à une discipline moins stricte. Il est un peu considéré comme un artiste comparé à un ouvrier. Les chefs le commandent et sont obéis, mais ils savent que le pilote a besoin de l'inspiration pour accomplir des hauts faits. La guerre aérienne, c'est une publication très attendue, très suivie, très lue. Et à l'intérieur, eh bien, sont mis à l'honneur ces fameux aviateurs qui sont en couverture. Et puis vous aviez le petit poster central à découper, vous aviez le grand portrait. Je sais l'objection que ne manqueront pas de faire certaines personnes. C'est très bien de vanter l'aviateur, mais le fantassin. Certes, nous ne l'oublions pas, le poilu. Nul plus que l'aviateur ne le vénère. Mais son héroïsme est collectif. L'héroïsme du pilote est individuel. Il n'a pas l'émulation. Il n'a pas la chaleur communicative du combat. Il pourrait, lorsque les canons tirent avec trop de violence ou qu'un rideau d'avion ennemi s'élève à l'horizon, il pourrait faire demi-tour. Nulle autorité ne peut l'obliger à engager la lutte. C'est sa volonté qui le force à rechercher le danger. Et tant de fois en triompher. Vous avez forcément un contraste terrible, ne serait-ce que les conditions de vie. Les fantassins passent leur temps dans les tranchées, été comme hiver, sous la pluie, dans la boue. Les aviateurs rentrent, une fois leur mission terminée à l'escadrille, ils peuvent se restaurer, se nettoyer. Ils partent en permission, pas comme bon leur semble, mais de façon assez régulière. Ils peuvent aller à Paris, etc. Ils se promènent dans les rues avec leurs décorations. Encore une fois, il faut aussi pondérer cette approche, parce que les conditions de combat d'aviation sont terribles. Vous avez un stress de tous les instants. Il n'y a pas d'appareil de détection des autres avions. Vous devez être à l'affût chaque seconde. Le danger peut venir devant, derrière, dessus, dessous, et vous êtes abattu en quelques minutes. Ajoutez à ceci le fait que les conditions de vol sont invraisemblables. Les pilotes partent dans un cockpit qui est quasiment ouvert à tous les vents, sans assistance respiratoire. En 17, ils montent à 5 ou 6 mètres d'altitude, juste avec une combinaison, des moufles, une écharpe et un casque en cuir parfois fourré. Guynemer, il est capable de sortir 3 à 4 fois par jour et de voler pendant 8 heures, alors que l'état-major considère qu'un pilote, au-delà de 2 heures de vol quotidien, n'est plus à son rendement optimal. Mais ces conditions de vie sont mal connues des fantassins, et bon, mais en même temps, on peut comprendre les jalousies. Guynemer a eu 25 citations à l'ordre de l'armée. Il y a plusieurs récriminations d'officiers qui remontent jusqu'au Parlement en disant... Les aviateurs ont des palmes, des citations d'ardement assez facilement, alors que pour la fantassin, généralement, c'est à titre posthume. Voilà, tout est dit. Il raconte à ses camarades qu'avoir une tête célèbre, c'est odieux. Par exemple, quand il vient à Paris, dans un restaurant, tout le monde se lève, tout le monde applaudit. Il va quasiment provoquer un accident dans le métro parce que ça déclenche un attroupement sur le quai. Donc cette célébrité le gêne au quotidien, mais en même temps, il apprécie. On le prend en photo devant son avion, le vieux Charles. Il dédicace comme ça aussi des cendriers à ses camarades, des morceaux de toile. Enfin, il accepte en fait en partie ce statut de vedette nationale. Des morceaux de toile d'avion. Des morceaux de toile d'avion. Cette photo est très belle. Donc, la légende, c'est « J'ai encaissé ». Il est parti sur le front de Verdun, donc c'est le 13 mars 1916. Donc, il a été abattu par un Allemand. Et donc, il a été posé par les services de santé de l'armée sur un brancard improvisé. Et il y a plusieurs. Donc, encore une fois, ça montre déjà l'idolâtrie dont il fait l'objet. Tout le monde essaye de mettre sa figure dans le cadre. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 10 personnes qui n'ont rien à faire ici et qui essayent désespérément de se montrer l'objectif. Et puis vous avez un lieutenant médecin qui regarde l'objectif en souriant légèrement, en disant « Bon, il a été blessé, il a triste mine, mais rassurez-vous, tout va bien, là, il va s'en remettre et il va reprendre très rapidement son poste et il va continuer à descendre du Bosch comme toute la nation en l'espère. » 22 juin 1917, lettre à Auger. « Old chap, ne comptez pas sur moi avant quelques jours. Ma gorge n'est pas tout à fait guérie, mais je peux avaler, et je te prie de croire que je ne m'en prive pas. Je suis toujours au pieu, ce qui fait que je dors 15 heures par jour. Tu verras comme à mon retour, le pétadou trouvera un cornac en forme. Je ne te demande guère de nouvelles de l'escadrille, car avec ce temps, je t'envoie un petit programme concernant Monsieur Pétadou. Tu serais un bon type, pour une fois dans ta vie, de le donner à Loyer ou Weber. Si tu as le temps, réponds-moi un petit mot. » Mais ne te crois pas obligé à la corvée. Là-dessus, j'ai la flemme, je te laisse tomber, avec un bruit sec et métallique. Toutefois, rappelle un peu là-bas que je ne suis pas mort. D'abord au grand chef, en l'honneur de qui j'agite mes orteils avec frénésie et respect, puis au menu fretin. Toi, je viens de te raser assez pour que tu le saches. À bientôt, mon vieux, et bien affectueusement. Georges Guinmer. Le spa de canon, c'est un chasseur SPAD, un peu entre le SPAD 7 et le SPAD 13 en termes de dimension, donc un petit chasseur très rapide, que l'on va doter d'un canon qui va être logé dans le moteur. Et ce canon tire à travers le moyeu de l'hélice. Bon, c'est un dispositif d'une lourdeur extrême qui n'est réellement utilisable que par de très grands pilotes et de très fins tireurs. C'est pour ça qu'on ne confiera le SPAD canon, notamment pour cela, qu'on ne confiera le SPAD canon qu'à de rares as qui vont en faire sans doute bon usage. En réalité, quand on touche avec un obus, on fait exploser l'avion que l'on a touché. Alors, c'est très efficace. Mais Guinmer l'a beaucoup aimé. C'est ce SPAD canon qu'il surnomme Pétadou dans ses correspondances. Il a un rapport assez fusionnel à cet avion. Je ne sais pas quel est le rapport de Guinmer à cet avion, mais je pense que cet avion n'existe que parce que Guinmer ou Guinmer et quelques-uns de ses camarades l'ont souhaité. C'est une demande qui ne correspond pas du tout à l'effort de guerre. L'effort de guerre, c'est produire en masse des armes que tout le monde pourra piloter. Le SPAD n'est pas très facile à piloter, mais le SPAD canon est extrêmement difficile à piloter et à exploiter. Donc on voit très bien qu'on, quelque part, on détourne un peu l'effort de guerre pour mettre à disposition de quelques spécialistes des armes très létales, mais dont l'importance pour le conflit sera dérisoire. Dans les dernières semaines de la vie de Georges Guinmer, il semble que les planètes qui étaient plutôt bien alignées, et qu'il y ait un certain dérèglement. Alors, quelle en était la cause ? Sans doute une usure physique. C'est quelqu'un qui combat sans cesse depuis maintenant 2 ans. Hein, donc voilà. Bon, à certaines personnes, il explique que je m'en sortirai pas, c'est fatal, forcément ça finira mal. À force d'accumuler les croix, on finit par une croix de bois. Enfin, les croix, c'est les médailles, et puis finalement, ça risque de mal se finir. Bon, voilà, c'est pas le Guinmer qu'on connaît, donc il semblerait qu'effectivement, sur la fin, Guinmer soit abattu, fatigué, usé, peut-être dépressif, je ne sais pas. Lorsqu'il est déplacé dans l'extrême nord de la France, sur le front de Belgique. Je crois qu'il tombe malade. Il est à l'hôpital pendant quelques temps. Donc voilà, il y a eu la maladie. Il y a eu aussi le fait que le commandant de l'escadrille SPA 3, qui s'appelle Heurteau, va être grièvement blessé et donc va être éloigné de son escadrille pendant quelques temps. Or, Guynemer, c'est le numéro 2. Et le numéro 2 devient donc numéro 1 par intérim. Et bon, n'ayant pas connu personnellement Guynemer, je ne vais pas m'avancer, mais je ne pense pas que Guynemer fantasmait extraordinairement sur la perspective d'être commandant d'escadrille. C'est de la paperasse, c'est de la représentation, c'est tout un tas de choses qui, à mon avis, peut-être ne devaient pas l'exciter extraordinairement. Je pense que Guynemer, lui, c'est des avions, je décolle, je fais ce que j'ai à faire et je me pose. Et puis voilà, c'est cette drogue du combat. Et puis, des soucis avec son fameux avion magique. Ce Pétadou, sorti des usines, avion un peu expérimental encore, eh bien, a des problèmes techniques, ce qui est normal, puisque c'est une espèce de prototype, si vous voulez, avec lequel il aime combattre, mais qui n'est pas d'une disponibilité extraordinaire. Alors, on doit se contenter, mais je mets des guillemets autour du mot contenter, parce qu'il a quand même des avions très performants, hein, notamment le SPAD 13, qui donne tout à fait satisfaction, équipé non pas d'une mitrailleuse synchronisée, mais de deux mitrailleuses, l'une à côté de l'autre, donc quand même une capacité d'agression assez remarquable, mais c'est pas le Pétadou. Donc voilà, additionner tout ça, tension nerveuse, fatigue, maladie, responsabilité de commandant d'escadrille, plus le Pétadou qui ne fonctionne pas, et bien voilà, on arrive à une période où il y a un Guynemer un peu différent, avec des conséquences tout à fait concrètes, qui sont qu'il y a plusieurs semaines qui s'écoulent avant la mort de Guynemer, où il ne remporte pas une seule victoire. Et ça n'est pas normal, puisque Guynemer a toujours remporté des victoires, il en a même parfois remporté plusieurs en une seule journée, voire même en une seule mission. Donc effectivement, il y a là un indice concret qui montre que quelque chose, c'est que la mécanique s'est enrayée. Journal de Raymond Poincaré, 13 septembre 1917. Serait-il donc tué ? Pauvre garçon, si jeune, si séduisant. Je le revois, avec sa taille élégante et fine, sa figure pâle, ses grands yeux noirs, son allure douce et féminine. Il avait récemment abattu son 50e avion. Quelle leçon de hardiesse cette jeunesse ne donne-t-elle pas à nos maturités alourdies ? Il n'a passé qu'un matin, mais quel éclair ! Et donc, pendant assez longtemps, on ne saura pas ce qui s'est passé. L'avion de Guynemer, avec donc Guynemer à son bord, visiblement la tête touchée par le tir d'une balle d'une mitrailleuse, eh bien, s'écrase entre les tranchées françaises et allemandes. Et là, donc, évidemment, c'est très compliqué, puisque le No Man's Land est par définition une zone où on ne peut pas s'aventurer et aller investiguer dans une carcasse d'avion qui s'est écrasée. Tout aurait pu se passer sans qu'on ne sache jamais rien sur la disparition de Guynemer. Or, heureusement, un soldat allemand a pu s'approcher de la carcasse et donc observer le corps qui se trouvait à l'intérieur. Et à des fins d'identification, ce qu'on fait, hein, quand c'est comme ça, évidemment, on ne ramène pas l'avion à l'arrière, mais on récupère ses papiers d'identité. Notamment, aujourd'hui, un objet qui a beaucoup de valeur autour du souvenir de Guynemer, c'est cette carte d'identité d'aviateur, qui est conservée d'ailleurs au sein de l'escadron des Cigognes, puisque, petite particularité, l'unité dans laquelle Guynemer a servi tout au long de sa carrière, eh bien, elle existe toujours aujourd'hui. Hein. Donc les traditions de Guynemer sont entretenues dans l'armée de l'air, mais aussi entretenues dans cette unité qui est l'héritière des traditions. Aussitôt après sa disparition, je vous dis encore une fois, sa mort provoque un tel impact nationalement que le Parlement décide d'inscrire son nom au Panthéon. C'est une sorte déjà de sanctification républicaine, parce que le Panthéon, c'est le temple de la République. Donc on va le faire de façon allusionnelle, puisqu'on n'a pas retrouvé son corps, donc le Parlement va demander au gouvernement de déposer une plaque, et cette plaque sera inaugurée en 1922. Citation posthume du capitaine Guynemer. Mort au champ d'honneur le 11 septembre 1917, héros légendaire, tombé en plein ciel de gloire après 3 ans de lutte ardente. Restera le plus pur symbole des qualités de la race, ténacité indomptable, énergie farouche, courage sublime. Animé de la foi la plus inébranlable en la victoire, il lègue aux soldats français un souvenir impérissable qui exaltera l'esprit de sacrifice et les plus nobles émulations. Cette citation est encore lue, donc, Chaque 11 septembre, sur toutes les bases aériennes de l'armée de l'air, est organisée une cérémonie commémorative à la mémoire de Georges Guynemer et systématiquement élu à cette occasion le texte de la dernière citation que tous les aviateurs de l'armée de l'air connaissent par cœur. Il va être donc utilisé à des fins pédagogiques dans les classes. Il ne faut absolument pas flétrir son souvenir ni sa postérité. Et d'ailleurs, les mouvements d'anciens combattants, entre deux guerres, c'est des mouvements quand même très puissants. Vous avez des millions d'anciens combattants, c'est un lobby très puissant. Ces associations de vétérans vont devenir le gardien du temple. Alors, je vous donne un exemple, c'est qu'il y a un député qui propose au ministère des Postes de commémorer le souvenir de Guynemer avec un timbre. Et aussitôt, vous avez des articles dans la presse combattante disant « Comment ? Mais on ne peut pas altérer le souvenir de Guynemer, mettre l'aiglon dans la sacoche d'un facteur. » Ça vous donne un peu la dimension que Guynemer a et qu'on veut conserver à tout prix. On veut conserver sa pureté. Je peux vous raconter encore une anecdote beaucoup plus récente. C'est qu'en 1973... Jacques Martin, qui était donc un animateur TV à l'époque très connu, donc il animait des émissions dominicales, dans un sketch dit voilà qu'il va, il songe à monter une opérette sur Guynemer. Et là, de nouveau, scandale. Le scandale remonte jusqu'au Parlement, puisque un député qui était ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Stéline, interpelle le gouvernement en disant que la télé publique ne peut laisser traîner l'héros de la République dans la boue par des animateurs de télévision. Depuis, les choses ont changé, mais entre sa disparition jusqu'en les années 70, il y a une espèce de chape de plomb sur la mémoire que personne ne peut toucher. Merci à Jean-Marc Binot, Frédéric Lafarge, Éric Mailleux et Laurent Rabier. Merci également à Alexandre Zumpf et Clémence Reynaud. Lecture, Thierry Beauchamp et Philippe Saïd. Prise de son, Christophe Papon, Élise Leu, Arthur Gerbeau. Mixage, Pascal Bénard. Georges Guynemer, L'héroïsme à ciel ouvert. Un documentaire de Victor Massé de l'Épinay et Anne Fleury. Quand Guynemer n'est pas revenu de mission, il y a un moment où il a fallu expliquer aux enfants aussi que Guynemer n'était pas revenu. Ce qui était difficile puisque Guynemer avait accédé au niveau de héros et les héros ne peuvent pas mourir. Donc il a fallu inventer des histoires. Chacun y est allé de sa petite histoire. On a parfois raconté aux enfants que Guynemer était monté et que finalement il était monté trop haut et qu'il n'avait pas pu redescendre. Donc il avait rejoint le pays des étoiles. Voilà pour cette figure particulière du héros qu'était Georges Guynemer, dont on célébrera la semaine prochaine le centenaire de la disparition. Vous pouvez bien entendu écouter ou réécouter cette émission sur le site de France Culture, franceculture.fr, discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. Et sachez qu'à Anglet, eh bien ça sera le 1er octobre, la Patrouille de France rendra hommage à Georges Guynemer.